même ça. Là on y est, qui m'en a yé. Life m'a résumé à 2000 levé. Rien qu'a suffi moi pour un déjanté. En panigou à la vie, en dérouté, en dégoûté. Chimé y'a long, café chaud, panigou, salive m'en y valet. La vie pas belle, hélas, faute ouais. Pourquoi y'a ouvé jouer les acteurs pour life up ou en fil ou kenny. La jol comme pay, l'on est comme peine, pitcher la tête. Papa les moi dit justice, parce que moi y'en pas joué. Adina fractal, niggas, c'est pas dit, c'est fait. Si me rete tout seul, parce que yo pas ni level. Que yo ni en plus qui me dit, moi y'a pas ou gel. C'est pour ça qu'a vive tout ça, tout seul, passant par parfait poussière. En destinée à mort depuis la poussette. Gel en l'okaba, pour dire réinventer en life. Que yo connaître, dis-moi y'a pas en facette. De toute façon y'en a bat. Yo pas maçon pour battre ton tête moins red. Puis dangereux là c'est à la qui pas n'y a rien à perdre. Fuck le monde, personne pas répondre les en crier. Y'a l'aide, c'est le fierté maternel. Ni plus importance qui moi même. Bah moi pote paradis la femme. En fait trop faute pour moi j'y vais, pardonnez moi. C'est arrivé trop loin pour moi changer j'y mets. Adina en partie là, la panique t'es moins. Bah moi pote paradis la femme. En fait trop faute pour mon chip et pardonnez moi. C'est arrivé trop loin pour moi changer j'y mets. Adina en partie là, la panique t'es moins. Tout me fait sensibilité ballon yo poignard de moi. Je dis wega yo kakana de moi. Dis moi pour qui sans ka wè ou j'silan mè moi. Que ça pas ka atteint moi y'a quoi que y'en pas humain. Ça sort ni à faire, tu fais moi. Pour qui ça sort pas qu'à brûler. En tout seul, sort à 10, on y jet là. Nous, ouais, c'est pompe et qu'à maigrir toutes les tubes. Bah, moi, pote paradis la femme. En fait, trop faute pour mon chip et pardonnez-moi. D'arriver trop loin pour en changer, j'y mets. Adina, parti là, la panique témoin. Bah, moi, pote paradis la femme. Powell mwen kou an mech si an boum. An seyan sel noum. Men ba mwen yo kweze plizye toum. 19 fwa fosyez la fume. Paske an ka fok le moun. Pa ni fwa an noum. Men pa kout an ni fwa an kou. Nan tele change le moun. Men an pa grive change kon mwen men. An sel mouvment de l'index kamene. Koubyen pen la jay a show. Konsyans la dizertik. No fanatrip. Fon tet moun ba nou vin fanatik. Bah moi pote paradis la femme. En fait trop faute pour mon chip et pardonnez-moi. C'est arrivé trop loin pour en changer chemin. Adina en partie là, la panique témoin. Bah moi pote paradis la femme. En fait trop faute pour mon chip et pardonnez-moi. C'est arrivé trop loin pour en changer chemin. Adina en partie là, la panique témoin. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma ville, me conduit sous les sentiers de la justice. À cause de son nom, même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton, voilà mon réconfort. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il enduit ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Psaume 23, David.